suivre tout de suite, c'est Histoire vivante. Très bel après-midi. Merci d'écouter la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Les soldats d'Algérie vous parlent. Je suis parti me battre pour la France et puis, qu'est-ce qu'on a fait de moi ? Cette semaine, la torture en Algérie. On était des jeunes appelés, on disait l'Algérie, la France, tout, on ne savait plus bien où on en était. Hein. De la revendication d'indépendance à une pacification sanglante. Qu'est-ce qui a tiré là ? Qu'est-ce qui a tiré ? C'est que ce merdier là, vous avez vu quelque chose ? Ces massacres d'un côté ont provoqué plusieurs milliers de morts, on parle de 8000. Chapitre 1. Obéir ou pas ? That is the question. Aujourd'hui, au cours de cette quatrième journée consacrée à la torture en Algérie, nous laisserons essentiellement la parole à ceux qui ont, chacun à des degrés et à des responsabilités diverses, refusé ce que l'armée française leur imposait de faire, remettre de l'ordre en Algérie, quelles que soient les méthodes employées. Mais comme le rappelle Raphaël Branche dans son ouvrage « La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie » paru chez Gallimard, le délai de l'écrit est souvent incompatible avec l'action. Pour l'historien, cette réalité est un défi. Alors que les textes interdisant les sévices abondent, aucun ne l'autorise ou ne l'ordonne. Aux plus petits échelons, les ordres sont majoritairement oraux. C'est à eux que les soldats doivent obéir. Choix difficile quand on est à la fois appelé et gradé. Encore que le deuxième classe a pu souvent se mettre à l'écart. Ce n'était malheureusement pas le cas des gradés. Bien des paramètres ont pu ainsi placer un appelé dans une situation délicate. C'est tout de suite ce que nous entendons avec cet extrait d'Algérie, parole de tortionnaire. Il s'agit du témoignage de Gilbert Argelès, militant communiste, instituteur, père de famille. Il avait 25 ans quand il a été envoyé en Algérie. Quand je suis arrivé à Fort-Michelet, j'ai un de mes copains qui y était depuis plusieurs mois et qui travaillait au service du bataillon, qui m'a vite dit, tu sais, ton dossier, il est marqué en rouge, il est écrit, il ne doit être mis dans aucun poste où il puisse avoir connaissance de secret militaire. Bon, donc j'étais marqué. Et puis je vous rappelle, j'étais marié, père de famille, isolé, et donc j'avais la trouille. Ouais. Donc je ne manifestais pas publiquement une opposition farouche à la guerre. J'étais plutôt dans les râleurs en essayant d'entraîner autour de moi les jeunes à râler comme moi. Je peux me reprocher peut-être un manque de courage, mais au niveau de mon éthique personnelle. Je ne dis pas au niveau d'efficacité, parce que je ne pense pas que j'aurais été efficace en refusant. Voilà. Mais au niveau personnel, peut-être bien que j'aurais peut-être plus... Bon, quand je vois un de mes copains, par exemple, il m'a l'air bien dans sa peau aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il peut dire, moi, voilà, j'ai eu le courage de... Déserter. Voilà, bon, je ne l'ai pas eu. Certains, sans faire le grand pas de la désertion, ont manifesté sous des formes diverses leur refus. Mais refuser, c'est s'exposer. Cela sous-entend des poursuites judiciaires et pénales conséquentes. C'est le cas du sous-lieutenant Lemeur, un catholique inculpé de, je la cite, celle-là je vous jure que je ne l'invente pas, participation à une entreprise de démoralisation de l'armée. C'est-à-dire vous avez un gars tout seul avec sa petite cuillère qui va démoraliser toute une armée. Il faut déjà être gonflé pour présenter le truc comme ça. Puis attendez, c'est pas fini. Pour avoir critiqué un ordre entendu par relais radio d'un commandant d'unité disant « je ne veux pas de prisonniers ». Quand un commandant dit ça, c'est pas parce qu'il n'a pas les structures d'accueil suffisantes, qu'il craint pour le confort de son éventuel prisonnier. Désolé, on n'a pas de lit, on est complet, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Non, pas de prisonnier, on est d'accord, c'est Zigouillez-moi le bougnoul, ça pue, ça se propage et ça menace l'Occident. Alors le gars, catholique ? Non, écoutez, excusez-moi, j'ai une conscience, m'en veuillez pas, je suis né avec, j'ai dû têter ça dans mon jeune âge, sans m'en rendre compte, mais vous occupez pas de moi, je vais faire autre chose pendant vos atrocités. Eh ben non, le sous-lieutenant Lemeur sera condamné comme insoumis et prendra 2 ans de prison. Monde à l'envers, où les enflures sont en liberté, tandis que quelques gars, bien, croupissent en tôle. Un autre exemple, que nous retrouvons dans le documentaire de Bertrand Tavernier et Patrick Rothman, La guerre sans nom, celui du conducteur Étienne Boulanger. Le 22 avril 1958, à Monsieur le Président de la République, je suis désigné pour partir en Algérie. J'ai pris la décision de refuser de participer à la guerre que la France fait actuellement en Algérie et qui menace de s'étendre à toute l'Afrique du Nord. Ma conscience ne pourrait admettre que je combatte contre un peuple que je souhaite voir ami et allié de la France. Je veux défendre l'amitié entre Français et Algériens et rester fidèle aux traditions françaises de justice et de liberté rappelées dans le préambule de la Constitution. Je suis prêt à prendre les armes pour défendre la France que j'aime au-dessus de tout si elle est attaquée, mais je refuse de commettre des actes qui me laisseraient ensuite du remords. Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, à mon attachement et à ma haute considération à la République française et à sa Constitution. Cette lettre, Étienne Boulanger l'adresse au président René Coty au cours des premiers mois de l'année 58. Il ne recevra aucune réponse de la présidence. Étienne Boulanger est membre du Parti communiste. Il revient à l'occasion sur la position du PCF pendant la guerre d'Algérie, position quant à l'objection de conscience et à la nécessité ou non d'être incorporé dans l'armée. Étienne Boulanger est même venu demander à son parti s'il s'était trompé ou non. Ils m'ont demandé si j'avais le courage d'aller jusqu'au bout, parce que c'était peut-être difficile de s'engager dans cette voie en sachant qu'on allait faire 2 ans de prison, plus les 28 mois de service militaire dont on n'était pas dispensé. Le Parti communiste n'a jamais encouragé à l'insoumission, à la désertion. Le Parti communiste a toujours dit que la place des soldats, ça devait être dans l'armée. Ils avaient raison. Fidélité incomparable du militant communiste. On a l'impression d'entendre de vieux mots oubliés, perdus à tout jamais. Toujours est-il que, passé son acte d'objection de conscience, Étienne Boulanger doit ensuite faire face à l'armée, d'abord. J'ai immédiatement été mis au trou. Dans en prison. J'ai été mis à l'ombre dans mon régiment. J'ai été isolé des autres militaires parce qu'ils avaient peur que... Ils avaient peur de la contagion, si on peut dire. Et j'ai été envoyé sous escorte en Algérie, dans le régiment où je devais normalement être affecté. Et quelle a été l'attitude des officiers à votre égard quand vous êtes arrivé dans ce régiment ? Ils auraient voulu absolument m'imposer de partir en opération. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de faire pression sur moi. Ils ont essayé de m'envoyer en opération sans armes, avec un poste de radio. Ils ont tout essayé. Moi, j'ai refusé. Je dis non, je ne participe pas à cette guerre qui est contre ma conscience. Est-ce qu'il y a eu des pressions physiques sur vous ? Pas au moment du refus. Par la suite, quand j'ai été emprisonné à l'école militaire de Cherchel. C'était combien de temps après ? Bon, c'était dans la quinzaine qui a suivi, où j'ai été brutalisé par des officiers paras. Brutalisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire matraqué. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient ? L'officier, je ne me rappelle plus ces termes exacts, mais l'officier qui était venu était manifestement un officier de droite ou d'extrême droite, mettons, et qui m'a dit quelque chose dans le genre « les gars comme toi, il faut leur faire la peau ». Il est venu me menacer avec son revolver. Vous avez craint pour votre vie à ce moment-là ? On ne pense pas à ça. Et après l'armée ? La justice, parce que question législation, ça ramasse une objection de conscience. Ils n'ont pas laissé des lignes blanches, les légistes. C'est à ce moment-là que vous êtes passé en tribunal militaire. Je suis passé en tribunal militaire au mois d'août 58 et j'ai été condamné à 2 ans de prison pour refus d'obéissance. Et à ce moment-là, vous avez été transféré en France ? Seulement en automne. Mais quand je suis sorti de prison, on m'a réincorporé dans l'armée et la prison ne dispense pas du service militaire. Il me restait donc encore 14 mois de service militaire à faire. J'ai fait 2 mois en France, puis j'ai été renvoyé en Algérie. Au passage, il fera ses mois de prison à Nîmes avec des prisonniers de droit commun. Et c'est la conclusion d'Étienne Boulanger qui, à elle seule, mérite qu'on s'y arrête. Je voulais d'abord l'écouter. Qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là des soldats qui désertaient ? À cette époque-là, je pensais qu'ils avaient tort. Maintenant, je pense qu'ils avaient raison. Pourquoi ? Je pense que j'ai manqué de courage et que j'aurais dû déserter et passer au FLN. Pendant la dernière guerre, on a vu dans les maquis de Vercors des Allemands qui avaient déserté. C'était eux qui avaient raison. Ils sont pourtant battus contre des Allemands. Ils sont plus d'un à évoquer que, dans une guerre comme la guerre d'Algérie, l'idée de la perte des repères est une menace de tous les instants. On était engagé dans une guerre, il faut bien appeler ça comme ça, et que cette guerre amène à ce qui est des positions qui parfois sont à l'inverse de celles qu'on défend. Si j'avais vu un de mes camarades mutilés, certainement que j'aurais été amené à prendre des positions bellicistes. Oui, bellicistes, c'est sûr. Retour dans quelques instants pour évoquer un homme à part, le général de la Bollardière. Dahman El Harrachi, surnommé l'Aznavour, dans le milieu artistique algérien, à cause de sa voix rocailleuse. Son nom vient du quartier populeux de sa naissance, El Harrach. Il chantait avant tout l'amour pur du respect coranique. Auteur-compositeur de talent, il disparut dans un tragique accident de voiture en 1980. Il chante Ya Raya, grand classique de la musique algérienne, repris récemment par Rachid Tara. شفت البلدان العامرين والبر الخليج شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زالت خليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجريك فيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي Bollardière n'a jamais cru à une solution militaire. Il avait subi l'Indochine. Il a fait toute la guerre d'Indochine. Il a vu la catastrophe en Indochine. Donc il ne croyait pas une seconde qu'on pouvait, comme croyaient certains bureaucrates à Paris, régler le problème d'Algérie par des moyens militaires. Chapitre 2. Un drôle de général. En 1957, la question du refus passe à la vitesse supérieure avec le général Paris de la Bollardière qui refuse d'appliquer les directives qui lui enjoignent de faire passer les opérations policières avant toute pacification, et en particulier l'ordre qu'il a reçu de faire fouiller toutes les mosquées de son secteur. Jean-Jacques Servan-Schreiber, dans le documentaire célèbre d'André Gazu, nous précise la position du général Paris de la Bollardière, le militaire le plus gradé de France. Donc, il espérait, lui, Bollardière, que l'armée française pourrait être un lien par la pacification, par l'organisation de nouveaux villages, par les services rendus aux musulmans, par le contact avec eux, un lien entre la France métropolitaine, représentée par l'armée française en Algérie, et le contingent surtout, et les musulmans, de manière à ce que le dialogue s'ouvre. Ce qui fait qu'il n'aimait pas les opérations militaires, il les faisait quand elles étaient nécessaires, il les commandait, mais il a créé ces commandos noirs dont il m'a donné le commandement, qui consistait alors à la nomadisation, à aller se promener tout le temps, jour et nuit, parmi les musulmans, presque sans armes, moi j'étais pas armé, de manière à parler avec eux et à ce que les musulmans d'Algérie voient un autre visage de la France que les colons. Parce que ce que les musulmans d'Algérie détestaient, c'était les colons. Mais Bollardière se disait, il n'y a aucune raison qu'ils détestent les Français. Donc puisqu'on a la chance que, je sais pas, 1 million ou 2 millions de Français soient là à cause du contingent, montrons aux musulmans les Français de France qui n'ont rien à voir avec la colonisation. Et c'était l'idée politique et militaire de Bollardière, de manière à amener la paix en Algérie. Il l'a mise en application. Nous l'avons vu hier, dès 1956, le FLN multiplie les attentats. Alger fait partie des cibles privilégiées. Cette multiplication d'attentats est renforcée par une extension de la rébellion à la plus grande partie de l'espace algérien. Cette augmentation du terrorisme urbain a pour conséquence directe un rôle plus actif de l'armée dans les contre-opérations. Le 7 janvier 1957, le gouvernement socialiste de Guy Mollet confie les pleins pouvoirs à Alger au général Jacques Massu, commandant de la 10e division parachutiste. L'armée supplée la police avec des moyens relativement similaires, à ce détail près que l'activité de l'armée, elle, est totalement déconnectée de toute action judiciaire. Le général Jacques Paris de la Bollardière. Il y a eu des attentats sur la population européenne d'Alger, qui était dramatique, et il fallait bien faire face à cette situation. Mais ça nous mettait devant un véritable choix. Ou bien nous posions le problème en termes politiques clairs, ou nous nous acharnions à résoudre ce problème par la violence. Si nous prenions cette dernière optique, il fallait, dans la cohérence même de ce raisonnement, bien entendu, éliminer physiquement tout le réseau de terrorisme et de renseignement que les FLN étaient en train de mettre en place. Et parce qu'il fallait le faire, bien entendu, par n'importe quel moyen. Car le renseignement devenait absolument primordial, il fallait connaître les cellules, leur organisation, et les démanteler. Et la directive de Massu est extrêmement précise, elle allait dans ce sens. Si je l'acceptais, et d'abord pour moi, du plan moral, c'était absolument inacceptable, car ça nous emmenait exactement à ce que les nazis avaient fait et avaient prétendu faire dans tous les pays qu'ils ont occupés pendant la guerre européenne. Et ensuite, je pensais d'ailleurs très clairement que ça ne nous mènera à rien, bien entendu, car sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans, « Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place. » Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démanteler les réseaux terroristes et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN. Alors j'ai donc eu un entretien avec Massu, très difficile, car sa position était inébranlable. Et dans la passion de cet entretien, je crois que j'ai terminé cette conversation en lui disant que je méprisais le type d'action qu'il préconisait. Et j'ai ensuite vu tous les échelons de hiérarchie, puis M. Lacoste, qui m'a confirmé qu'on attendait de moi que je ne fasse pas de complications et que je laisse travailler les parachutistes de Massu. À ce moment-là, j'ai donc demandé à être relevé de mon commandement. Dans son refus d'obéir au commandement, à quoi le général de la Bollardière s'est-il heurté ? Réponse en trois parties. La première, c'est militaire au coup de poing avec le général Massu. La deuxième, politico-métaphysique avec Robert Lacoste, l'ancien ministre. La troisième est plutôt politico-quatrième république avec Guy Mollet. On commence avec Massu, interviewé par André Gazu. Pratiquement, je n'étais qu'un exécutant. Cet excellent Bollardière m'a pris un parti comme si j'étais le promoteur de cette politique, mais c'est absolument inexact, n'est-ce pas ? Je n'étais qu'un exécutant, je n'ai fait qu'exécuter les ordres de mes chefs. Mais pour renforcer l'effort policier, il fallait promouvoir le renseignement, donc il fallait ipso facto recourir momentanément à la torture. Et c'est ce que le général de Bollardière jugeait inacceptable. Oui, enfin, il n'était pas indispensable de recourir à tout moment à la torture. Et d'ailleurs, ça n'a pas été fait. Les procédés d'interrogatoire poussé, que l'on a appelé un peu trop hâtivement la torture, ont été dans certaines circonstances autorisés par moi-même sur la ville d'Alger, essentiellement, en fonction de l'urgence de la mission, qui consistait à découvrir les bombes prêtes à exploser et à empêcher de nouveaux dégâts, de nouveaux assassinats, n'est-ce pas, de nouveaux dégâts chez les civils, en particulier les femmes et les enfants qui tombaient sous le coup du terrorisme. C'est en réalité le terrorisme, surtout, et le terrorisme urbain qui nous a amenés à sortir de la légalité et à sortir même à employer des procédés que je n'approuve pas du tout, mais que j'ai considéré à ce moment-là exceptionnellement comme, dans certains cas, nécessaire. Ça, je le reconnais parfaitement, c'est-à-dire pour ça que dans mon livre, je ne m'en suis pas caché. Ballardière m'a dit que c'était inadmissible. Hein, qu'est-ce que vous voulez ? De temps en temps, il faut salir les mains. Mais ça me salit sans doute, mais nous avons quand même, je crois, évité beaucoup plus de sang encore. Bon, Massu, on connaît son point de vue, il a le mérite d'être direct, relativement franc, on n'est pas obligé de partager, hein, mais on sait au moins qui on a en face. Le point de vue de Robert Lacoste, l'ancien ministre, vous allez l'entendre, est éminemment plus courtois dans la forme. Il propose la version du crime légal, mais il faut le reconnaître avec beaucoup d'élégance. Nous sommes là avec Bonnardier, encore une fois un homme respectable, dans le domaine de la foi. Et vous ne m'y ferez pas pénétrer. Ce n'est pas mon domaine. C'est un domaine que je respecte. Mais ce n'est pas mon domaine lorsque j'agis comme chargé d'exécuter une politique nationale. Et dans la catégorie emplumée, un modèle du genre avec à présent le sieur Guy Mollet, président du Conseil, qu'on a envie de... Non, faut pas le dire, mais on peut le penser, mais on ne le dit pas. Cependant, il y a des chances qu'après ce que vous allez entendre, vous le pensiez vous aussi très fort. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, le calme rétabli dans les deux jours, trois jours qui suivent une arrestation que pour faire parler un coupable, il soit torturé, ce serait intolérable. C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. Oui, alors ça, quand on a dit ça, évidemment, on a tout dit. Il manque plus que le coq. Ah bah non, il manque pas. Ammar el-Ashhab, grand maître de la tradition Sha'abi, du style arabo-andalou. Sha'abi signifie populaire et exprime les tracas, les histoires du petit peuple d'Alger. Musicien très réputé et populaire, Ammar el-Ashhab est un maître du genre. Ce style n'est pas très au goût des autorités et passe très peu à la radio officielle. Il chante El Goumri, le pigeon voyageur. انا نوري صفار قعدت نشفر ورجع قوتي مرار وتقوى ضراري اسألت يا حضار حد لأتاني بخبار اسألت يا حضار حد لأتاني بخبار حتى ضبي القفار يتوب بصاري نتقات لي وفي وقلت لي عشير ولا أنوري لك عتبة داري نتقات في وقلت لي عشير ولا أنوري لك عتبة داري بالله عليك يا القمري يا القمري 1957, et malgré le discours officiel, le général de la Bollardière tente par tous les moyens de dénoncer ce qui, sous le terme de recherche de renseignements, se dissimule. En mars 1957, il demande à être relevé de son commandement en Algérie. Au même moment, Jean-Jacques Servan-Schreiber, redevenu directeur de l'Express, est inculpé d'atteinte au moral de l'armée pour avoir publié plusieurs articles relatant son expérience algérienne, que vous avez entendu, et dénonçant l'attitude du gouvernement français. Il demande alors à son ancien chef, Bollardière, de lui écrire une lettre de soutien. Celle-ci paraît dans l'Express du 29 mars 1957. Mon cher Servan-Schreiber, vous me demandez si j'estime que les articles publiés dans l'Express, sous votre signature, sont de nature à porter atteinte au moral de l'armée et à la déshonorer aux yeux de l'opinion publique. Vous avez servi pendant 6 mois sous mes ordres en Algérie, avec un souci évident de nous aider à dégager, par une vue sincère et objective des réalités, des règles d'action à la fois efficaces et dignes de notre pays et de son armée. Je pense qu'il était hautement souhaitable qu'après avoir vécu notre action et partagé nos efforts, vous fassiez votre métier de journaliste en soulignant à l'opinion publique les aspects dramatiques de la guerre révolutionnaire à laquelle nous faisons face et l'effroyable danger qu'il y aurait pour nous à perdre de vue, sous le prétexte fallacieux de l'efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu'à présent la grandeur de notre civilisation et de notre armée. Je vous envoie l'assurance de mon estime. Le 15 avril, une sanction condamne le général Jacques Paris de la Bollardière à 60 jours d'arrêt à la forteresse de la Courneuve. Après quoi, il sera mis à l'écart, nommé successivement en Afrique centrale, puis en Allemagne. Après le putsch des généraux, il démissionne de l'armée. Pierre Messmer se souvient. Oui, j'étais à ce moment-là ministre des armées. C'est à moi que Bollardière a remis sa démission. J'ai eu l'impression que cette démission qu'il me remettait, elle existait dans son esprit depuis un certain temps déjà. Et qu'en fin de compte, cette démission formelle était l'acte public et irrévocable qui résultait d'une décision qui s'était formée progressivement dans son esprit et peut-être dans son cœur aussi. Des deux côtés de la Méditerranée, la mémoire française et la mémoire algérienne resteront hantées par les horreurs qui ont marqué la guerre d'Algérie tant que la vérité... Le 1er novembre 2000, à la une de l'Humanité, était signé un appel à la condamnation de la torture en Algérie. 40 ans plus tard, la plaie algérienne est encore à vif. Qui ont cruellement souffert de cette tragédie dont les autorités françaises portent la responsabilité essentielle en raison de leur obstination sans suite ni sanction. Le silence officiel serait ajouté au crime de l'époque une faute d'aujourd'hui. En la colonisation et de la guerre, l'expression de la volonté du dominateur de réduire par tous les moyens la résistance du dominé. Sans être aveugle avec ses autres pratiques, il revient à la France, eu égard à ses responsabilités, de condamner la torture qui a été entreprise en son nom durant la guerre d'Algérie. Il en va du devoir de déclaration publique de la France et nous invitons les témoins, les citoyens, à s'exprimer sur cette question qui met en jeu leur humanité. Demain, nous avons rendez-vous avec Jean-Charles Degnaud, auteur de L'Algérie, parole de tortionnaire.